fragile, mes plus chères pensées me ramènent vers toi. Vénus, Vénus, si de l'amour tu es déesse, sauve-moi de cette fille qui mente nuit et jour. Mon pauvre cœur a tant souffert du mal d'amour, maladie d'amour. Mon cœur s'est brisé sur les falaises des désirs. Comme une vague, je sens monter en moi des violents souvenirs. Oiga! D'amour, un peu d'émoi, un peu de toi.